Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors, j'ai choisi dans ton bac à disque vinyle une pièce de Terry Riley. Tu peux nous en dire un peu plus dessus? Alors, Terry Riley, c'est un compositeur californien du nord de la Californie. Il est né en 1935 et c'est un personnage très important dans la musique des années 60 et des années 70, notamment aux États-Unis. Il est l'auteur d'une pièce célébrissime qui s'appelle In C, qu'il a composée en 1964 et qui est une pièce dont on dit que c'est l'une des pièces les plus jouées de l'après-guerre, de la musique d'après-guerre américaine, peut-être du XXe siècle. Il est joué des centaines et des centaines de fois par année parce que c'est une pièce que plus ou moins n'importe qui peut jouer. Enfin, si tu as un tout petit peu des rudiments instrumentaux, tu peux la jouer. Et c'est une pièce qui se joue en ensemble et dont la partition tient sur une page. Et c'est 53 motifs qui s'enchaînent et qui permettent de créer un son commun assez rapidement, qui est en fait avec des moyens très simples de faire quelque chose de très complexe et très satisfaisant. Et c'est une pièce qui est très importante dans l'évolution de la musique dite minimaliste aux États-Unis. C'est donc des musiques répétitives, cycliques, qui ont quelque chose de proche de la trance. Et Terry Riley est souvent associé à d'autres figures de cette époque-là, notamment Steve Reich, avec qui il a collaboré au tout début sur justement cette pièce In C lors de sa première. Il était aussi très proche de Lamont Young, qui est une autre figure importante. Et Terry Riley est toujours vivant. Il est bien âgé aujourd'hui et il continue à composer. Il n'a jamais arrêté et il est toujours très actif. Et sa musique a un peu changé, disons, les 40 dernières années, il a commencé à faire quelque chose de beaucoup plus hétérogène en termes musicaux. Alors, il joue des instruments ou il fait tout avec des machines? Alors, pour la pièce dont je parlais avant, In C, donc c'est une pièce qui est composée, c'est une pièce pour plus ou moins n'importe quelle instrumentation, mais Terry Riley est extrêmement connu comme claviériste, si on veut. Il est pianiste de formation, mais il a aussi, il a rapidement commencé à utiliser des orgues électriques. Des orgues électriques avec un système d'écho, de delay sur le son, donc tim-pam, pam-pam, où le son se répète deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, et ce qui crée un effet un peu hypnotique. Et cette pièce qui est sur le disque que tu as sélectionné, Poppy No Good and the Phantom Band et A Rainbow in Curved Air. C'est donc ce disque-là, c'est donc la version française d'un disque célèbre de Riley qui est sorti aux États-Unis sur CBS, Columbia. Et c'est spécifiquement sa musique où il joue avec de l'orgue et différents types de claviers électroniques. Et c'est une musique qui est à la fois proche du domaine de la musique classique, si on veut. Le disque est sorti d'ailleurs sur la branche classique de Columbia. Et c'est une musique qui est très influencée par le jazz aussi et par les expérimentations électroniques de l'époque. Donc au fait, au niveau sonore, c'est assez fascinant. Il y a plein de trucs qui se passent. Et sur la deuxième face, Poppin No Good, il joue aussi du saxophone alto qui est pris dans le delay et ça fait des sons comme ça super hypnotiques et immersifs. Alors, est-ce que Terry Riley faisait ses disques et sa musique tout seul ? Alors ça, en l'occurrence, c'est vraiment un disque où il est complètement solo. Il est accompagné d'un producteur qui s'appelle David Berman sur ce disque, qui était un autre compositeur de musique électronique américain. Et il a effectivement tout fait tout seul. Et ça fonctionne comme une pièce vraiment composée en studio, où en premier, il a fait une base comme ça avec de l'orgue. Après, il a rajouté d'autres instrumentations et par couches successives, il a commencé à monter toute une symphonie pour un homme seul. Et par contre, il a beaucoup collaboré avec énormément de gens. Terry Riley à cette époque-là, avec Don Cherry dont on a parlé l'autre jour. Exactement à la même époque, il collabore aussi avec John Cale, le bassiste du Velvet Underground. Et c'est quelqu'un, il faut dire aussi, qui a eu une influence énorme sur la musique pop de l'époque. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont revendiqués de Terry Riley, les Who par exemple, qui ont composé un titre qui reprend son nom, mais aussi Soft Machine, qui était un groupe anglais qui s'est vraiment, vraiment inspiré de sa musique, mais des dizaines et des dizaines d'autres. Et aujourd'hui, je pense que quand tu écoutes de la musique pop à la radio, de n'importe quel type de pop un peu intéressante, ben en fait on entend des échos, en tout cas des inventions de Riley, même si c'est pas directement influencé par lui, mais c'est quelqu'un qui a eu une vraie impact sur le son de la musique des 60-70 dernières années. Je veux pas dire, mais le titre est quand même très étrange. Alors, le Poppin No Good and the Phantom Band, c'est ça? Ouais, alors le titre, il vient du fait que sa fille, Colleen, quand elle était toute petite, quand elle était énervée par son papa qui faisait pas ce qu'elle, elle voulait, elle disait « Oh, Poppy, no good !» Papa, pas bien. Et The Phantom Band, c'est le nom, en fait, de son système de delay qui faisait avec des magnétophones, qui répétaient en fait le signal avec un écho et qui créait en fait un espèce de groupe fantôme. C'est-à-dire que lui, il faisait une note et la note était répétée et répétée. Donc, en plus de du son que lui produisait, ben, il avait un groupe fantôme qui répétait sa musique et qui jouait avec lui. Enfin, il jouait avec les magnétophones et les magnétophones jouaient avec lui d'une certaine manière. Est-ce que 1935, c'est quand le disque est sorti ? Non, alors sur la pochette, c'est marqué Terry Riley 1935, mais c'est sa date de naissance. Il est né en 1935, il habite aujourd'hui au Japon, il est parti à l'époque du Covid, à l'époque quand le Covid est arrivé, il était au Japon et il y reste maintenant, en tout cas il n'a pas de volonté de revenir en Californie et... J'espère qu'il va vivre encore de longues années parce que c'est quelqu'un de vraiment assez incroyable. Merci Vincent. Merci Doris. Les livres qu'il trouve bien.